fleur de l'envie que j'ai cueillie pour toi. Les jours et les nuits que je fais pour toi. Les peurs, les ennuis que j'ai eus pour toi. Les doutes, les folies que j'ai subies pour toi. Les rêves, les oublis vécus avec toi. Le reste, je les ai pour moi. Le chat, la famille, je le quitte pour toi. Et même mes amis, je ne les vois pas. Les failles, les poubelles, je les sors pour toi. Le feu de la chandelle, je l'éteins pour toi. Les clés de la voiture, elles sont à toi. Les emmerdes, je les prends pour moi. Les docs, les médocs, je les prends pour toi. Les cris, les factures, je les garde pour moi. Le lit, la maison, je les laisse pour toi. Et toutes les saisons, elles sont ta. Avec toi, le vent de l'amour ne commande qu'à toi. Mes chansons, elles restent avec moi. Les rêves, les oublis vécus avec toi. Le reste, je les ai pour moi. Le vent de l'amour ne commande qu'à toi. Chanson, reste avec moi.